un chantier, madame, depuis que je vous ai rencontré dans cette gare de Paname. Un beau matin de juillet, je pense que c'est le destin. Moi je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a pris la main pour m'emmener jusqu'ici. Pris au piège dans les flots de voyageurs, j'étais devenu l'otage des battements de mon cœur. Sortilège, rêver de vous revoir ailleurs, emmenez-moi dans vos bagages vers des jours meilleurs. Ravi de faire votre connaissance, ces mots seraient la trame d'une histoire d'amour naissante. Quand je me résous enfin à venir vous parler, c'est là qu'arrive le train qui devait vous enlever. Pris au piège dans les flots de voyageurs, j'étais devenu l'otage des battements de mon cœur. Sortilège, dans vos bagages vers des jours meilleurs. Je suis enchantée, madame, depuis ce jour sur le quai, lorsque la porte s'est refermée sur la femme que j'aimais.